Le 23 courant, le porte-parole de la direction du Nord de l'Alliance pan-nationale pour la réunification de la patrie a publié un entretien qui dit notamment « À l'heure actuelle, les partis d'opposition, les organisations civiles et sociales et d'autres divers milieux sud-coréens condamnent la disposition de SAD des autorités comme une haute traîtrise à la nation, confiant le sort et les intérêts de la nation aux forces étrangères et infligeant les catastrophes nucléaires pitoyables à toute la nation, et livre chaque jour les luttes protestataires. Nous exprimons du soutien et de la solidarité absolue à la juste lutte de la population sud-coréenne qui s'oppose résolument au SAD, tout en condamnant avec véhémence la tentative des fantoches qui cherchent à disposer à tout prix en Corée du Sud des missiles américains en tant que valet ignoble des États-Unis ambitieux de l'hégémonie mondiale, comme une témérité de confrontation extrémiste amenant les catastrophes de la guerre nucléaire sur le sol de la patrie sacrée et une traîtrise sans précédent remettant les intérêts et la sécurité de la nation à la merci des États-Unis. Partant de la volonté immuable d'ouvrir une nouvelle époque de la réunification indépendante, de la paix et de la prospérité, sous le drapeau de la triple charte pour la réunification de la patrie, nous avons proposé les projets rationnels pour améliorer les rapports Nord-Sud, détendre la situation militaire dangereuse créée dans la péninsule coréenne et déployer tous les efforts possibles pour les réaliser. Mais la bande des traîtres de Park Geun-hye ont répondu par les canonnades des manœuvres militaires contre nous à notre appel patriotique d'engager un nouveau départ historique, les mains dans les mains, en tant que compagnons de route pour l'unité nationale et s'affairent plus frénétiquement à l'hostilité contre notre pays. En plus, ils s'y opposent par la disposition de SAD de nature agressive des États-Unis au bout du conciliabule servile avec le suzerain américain. Tous les Coréens du Nord, du Sud et de la diaspora doivent livrer dynamiquement la lutte colossale contre la dernière mesure de Park Geun-hye et chasser une fois pour toutes la bande des traîtres qui veulent précipiter notre nation dans les gouffres des catastrophes nucléaires. La bande des traîtres de Park Geun-hye seront condamnés sévèrement par l'histoire de par leurs crimes ultra-géants commis devant la nation et seront à jamais honnis de toute la nation de génération en génération.